Si vous voulez poser une question en espagnol, c'est très simple. Il suffit de donner une intonation interrogative à votre phrase. Par exemple, pour formuler une affirmation comme « c'est possible », vous dites « Est-ce possible ?» Bien, « est-ce possible ?» Si vous voulez en faire une question et dire « est-ce que c'est possible ?», il vous suffit de dire la même phrase, mais en employant l'intonation propre à une question, c'est-à-dire « Est-ce possible ?» C'est ça, « est-ce possible ?» À l'écrit, pour distinguer une affirmation d'une question, vous trouverez un point d'interrogation inversé au début de la phrase. Ce point d'interrogation inversé vous indique que la phrase qui débute va être une question. À la fin de la phrase, il y a aussi le point d'interrogation que vous connaissez, le même qu'en français. Donc, « n'est-ce pas possible ?» se dira « No es posible ?» Bien, « no es posible ?»